بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc hier, après qu'on ait pris l'essentiel en ce qui touche, les premières choses en ce qui touche à la tahara, à la purification, comme les eaux et certaines manières à avoir lors de l'accomplissement des besoins, tout cela en but d'arriver à ce qu'on va entamer aujourd'hui, qui est la façon de faire l'ozo, les ablutions. ولهذا قال المؤلف حفظه الله تعالى في المسألة 57 قال لا تصح الصلاة إلا بوضوء، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم. Donc le 57e point, qui est que la prière n'est valide qu'avec les ablutions. Et la preuve, c'est le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salat de celui qui a fait ses besoins ou qui a perdu ses ablutions, comme cela va venir dans le ma'ana hadith, n'est pas accepté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et d'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune salat n'est acceptée sans purification. Rapporté par Muslim. Donc là, on apprend un point essentiel qui est que la salat, parmi ses conditions, il y a la purification. Et cette purification ne se fait qu'avec les ablutions, mathalan, ou al-rusl, yani lavage, ou tayammum, les ablutions sèches. Dans le hadith, il dit la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda, qu'aucune salat n'est acceptée pour celui qui a perdu son wudu, c'est-à-dire al-ahdath, on expliquait que c'était tout ce qui sortait des deux orifices. D'accord ? Tout ce qui sort des orifices s'appelle Ihdath. Ahdathta est, tu as perdu ta tahara parce qu'il sort des orifices. Comme l'urine, comme les excréments, comme le sang des menstrues, ou les alikas, comme le mazi, le liquide sémantique, et autre que cela. Inch'Allah, ça va être cité dans le livre, Biznillah Ta'ala. Donc ces choses-là rendent les ablutions obligatoires pour qui veut faire la salat. D'accord ? Et ces ablutions ne sont obligatoires que pour la salat. En dehors de cela, il n'est pas obligatoire de faire les ablutions. C'est mustahab. An yakuna al-muslim ala tahara, hadha shay'un mustahabun. C'est une chose qui est recommandée. Mais obligation, non. Et dans le hadith, il dit, le deuxième hadith d'Ibn Omar, il dit, la tuqbalu salat bighayri tuhur. Il n'a pas dit tahour. Tahour en arabe, avec une dhamme, anil bitta mazmouma, c'est la purification en soi. Et tahour, bifatah atta, avec un ta maftouha, c'est le moyen par lequel tu fais la purification, comme l'eau par exemple. On a expliqué hier. Al-ma-tahour, c'est-à-dire qu'elle est purifiante. Et tahour, c'est l'action. Al-wudu, ma'nahu, fil shara, huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, bi ghusli al-arda' al-arba'ati ala sifati makhsusa. Yani l'wudu, les ablutions, dans la législation, c'est quoi la définition? C'est le fait d'adorer Allah, faire un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala en lavant les quatre membres de façon particulière. Comme cela va arriver, inshallah, dans la description de l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une chose que Allah il aime, mais également. C'est pour ça lorsqu'on dit wa ta'abudu lillah, c'est une chose que l'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah il aime cela. Comme a dit Ta'ala, Inna Allah yuhibu tawwabin wa yuhibu al-mutahhirin. Que certes Allah aime ceux qui se repentissent beaucoup et ceux qui se purifient. Alors, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, At-tuhur shatru al-iman. Que la purification, c'est la moitié de la foi. Donc là, on sait que celui qui veut faire la salat, s'il a eu un irtef, qu'on a expliqué, l'ozo est une chose qui est obligatoire, sans quoi la salat ne sera pas acceptée. Aussi nombreuse soit-elle, aussi bien faite soit-elle, en apparence, elle ne sera pas acceptée. Elles ne seront pas acceptées. Wa ba'da hadha qal, arda'u al-wudu'i. Fil nukta al-thamin al-khamsin. Arda'u al-wudu'i. يعني الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق واليدان تغسلان إلى المرفقين ورأس يمسح مسحا ورجلان تغسلان إلى الكعبين والدليل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ولحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الأعقاب من النار متفق عليه. Donc là il dit dans le 58e point, dans le 58e point, les membres des ablutions. Quelles sont les parties à laver lors de l'ozo? Donc en premier lieu, parmi ces membres-là, il y a le visage. Et également qui en fait partie le fait de remuer ou de mettre de l'eau dans sa bouche, ainsi que d'aspirer l'eau par le nez et de la ressortir. Remuer n'est pas obligatoire. Et moi, demandant, c'est surtout le fait de mettre de l'eau dans la bouche pour la rincer. À remuer, ça, c'est une chose qui n'est pas obligatoire en soi. Également, les deux mains qui se lavent jusqu'au coude, la tête est essuyée qu'une seule fois et les deux pieds sont lavés jusqu'aux chevilles. Inch'Allah, ça va venir le tafsir, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et dans le hadith de Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur aux talons par le feu », rapporté par le Bukhari muslim. Donc là on a appris les parties qui doivent être lavées lorsqu'on fait l'ozo. Lorsqu'on lave le visage, déjà parmi les faouïdes de l'ozo, les choses également ma'nawiyya allati tustafad min al-wudu, yani ghayr zahira, les choses par exemple qu'on profite de l'wudu qu'on ne voit pas forcément en apparent. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informait du hadith d'Abu Huraira apporté par Muslim, قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشها أو بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماء وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si jamais le serviteur musulman ou croyant fait l'ozo, lorsqu'il lève son visage, tout ce qu'il aura regardé avec ses yeux comme péché partira avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il va laver ses mains, tout ce qu'il aura touché de façon illicite sortira avec l'eau ou la dernière goutte d'eau. Et lorsqu'il lavera ses pieds, toutes les fautes qu'il aura commises par ses pieds, c'est-à-dire en se rendant dans des lieux illicites, toutes ces fautes-là partiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, à tel point qu'il sortira purifié des péchés. La tambi, ça concerne les sara'ir, les petits péchés, non pas les grands, ceux qui ont besoin d'une tauba ou des fois d'une kafara. Ce hadith concerne sirar al-dhunub. Ce n'est pas tout péché qui partira Par exemple, quelqu'un qui a volé, mesela, ce n'est pas en faisant le wudu que son péché partira. Un exemple. Donc là, on a pris les membres à laver, et l'ordre va arriver, inshallah, dans le prochain point. Les membres à laver lors de l'eau. Et en ce qui concerne la tête, Bimbab al-Fa'ida, qui fait partie de la sunna, que celui qui porte une imama, un turban, ou même un khimar, qui lui permet d'y suivre dessus, simplement. Kamaja, fi hadith, Amr ibn Umayya, الضمري عن البخاري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامتي وخفي qu'il est dit que j'ai vu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم essuyer sur son turban et sur ses khuf. Khuf, ce sont comme des chaussettes de cuir. Et il n'est pas conditionné d'être en état de purification à l'avance pour essuyer sur l'imama comme cela c'est le cas pour les khufayn, comme cela va venir. Imbab al-Faïda أفتى الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى بجواز مسح المرأة لخمارها إن خافت البرد ونحوه que le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, dans son majmou, il a dit qu'il est permis à la femme elle-même d'essuyer sur son khimar si jamais elle a peur du froid ou autre que cela. Le meilleur, c'est qu'elle l'enlève, mais si jamais il y a une difficulté à le faire, dans une situation où lui est un peu difficile de l'enlever, où cela lui sera pénible, alors il lui est permis de le faire sur son voile. Qiyasan par analogie comme l'homme le fait sur sa imama. Ce n'est pas une masala sur laquelle il y a unanimité. Et l'ozo, le lavage des membres, hormis la tête, le sunna le plus complet, c'est de faire trois fois chaque membre. Trois fois chaque membre. Il est permis de faire deux fois chaque membre. Il est permis de faire une fois chaque membre. La tête, elle, c'est une fois, quoi qu'il en soit. D'accord ? Et ça, des hadiths sont venus pour les deux fois dans un hadith de Abdullah ibn Zayd, un de l'imam Bukhari, et Murawahida, le hadith ibn Abbas, le Bukhari. Et tout ça, on l'a cité dans les durus de Bulugh al-Maram en détail. Et dans le hadith qui rapporta le shaykh, rahimahullah ta'ala, de Abdullah ibn Amr, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Waylun al-Aqab min al-Nar, de prendre garde au talon du feu, c'est-à-dire qu'il faut que toute la partie du pied soit touchée par l'eau. Faire attention parce que des fois il y a des parties qui sont oubliées, ou qui sont omises, ou qui sont négligées. Donc là, cette parole-là, il l'a dit en levant sa voix, pour dire que c'est important que l'eau touche toutes les parties des membres concernés par l'eau. Ne pas être négligent, bien vérifier. طيب. وبعد هذا قال في المسألة التاسعة والخمسين التيمن في الوضوء وإطالة الغرة والتحجيل والدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده اليمنى حتى شرع في عضد وغسل يسرى حتى شرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق وقال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء أخرجه مسلم والصحة في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم Donc il dit dans le 59e point, il dit, حفظه الله تعالى, on commence par le côté droit dans les ablutions. C'est-à-dire, on commence par la droite. Et il dit, l'étalement des traces des ablutions et la preuve est le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lava sa main droite jusqu'à entamer le bras, puis lava la gauche jusqu'à entamer le haut du bras, puis essuya sa tête, puis lava son pied droit jusqu'à entamer la jambe, et jusqu'à entamer le mollet, on va dire, puis le gauche jusqu'à entamer le mollet. Et il dit, vous serez marqué de blanc au visage et aux membres le jour de la résurrection par les traces des ablutions. Rapporté par Muslim. Et il a rapporté authentiquement dans le Sunan d'Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous vous habillez et lorsque vous faites vos ablutions, commencez par le côté droit. Donc là, ce bed, cette masala vient pour démontrer que l'eau, on commence par la droite. Yani, ce n'est pas une condition de validité de l'ouzou. Celui qui l'aura commencé par la gauche, son ouzou sera valide. Mais la sunna, c'est de commencer par la droite. Donc là, on voit bien que les membres de l'ouzou, lorsqu'on lave les mains et les avant-bras, c'est jusqu'au coude, coude compris. Lorsqu'on lave les pieds, c'est jusqu'au-dessus des chevilles, chevilles comprises. Et là, il a comparé les traces blanches, car en arabe, le mot hurra, à la base, c'est la marque blanche qu'il y a sur le visage des chevaux. Et des chevaux, ils ont une trace blanche sur le visage, sur la face, on tire comme ça. D'accord? Donc là, il a comparé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la marque de l'ouzou yom al-qiyama, comme cette trace blanche qu'il y aura sur le visage ou sur la face des chevaux. Et at-tahjil, ce sont les marques qu'il y a sur leurs pattes. Donc là, c'est une comparaison un peu justement ces marques blanches qu'il y a sur ces animaux, que le muslim aura ses points distincts yom al-qiyama, par lesquels il sera reconnu. Les traces de l'ouzou, le visage blanc et les membres blancs, lumineux. Donc ça, c'est également parmi les fawaïd. Al-ma'nawiyya allati la tazur lana fi hadhihi ad-dunya. C'est parmi les choses également qui ne nous apparaissent pas en ce bas monde. C'est-à-dire l'ouzou, ce n'est pas tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'on doit faire, qu'on en connaît, on en connaît forcément les avantages. Et les fawaïd. Il y a des choses, tata'alak bi'im al-ghaib, qui sont liées aux choses de l'invisible, qu'on ne voit pas forcément. Certaines nous en a informées et d'autres on ne les connaît pas. Ne pas tout le temps se dire pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on en tire comme profit. Si on le sait, hamdoulilah, et si on ne sait pas, sami'ana wa ta'ana, nous avons écouté, nous avons obéi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le livre on l'a appris, il est obligatoire de lui croire et de lui obéir dans tout ce qu'il nous ordonne. C'est obligatoire. Fil mas'ala sittin, qala ahsanu sifati li wudu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أنه غسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر يجمع بين المضمض والاستنشاق في غرفة واحدة فعل ذلك ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا وصل يديه إلى المرفقين ثلاثا حتى شرع في الغضود ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه مرة واحدة بدأ من قبل رأسه وأدبر بهما إلى قفاه ثم أعادهما إلى حيث بدأ ثم غسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين حتى شرع في الساق ثبت ذلك من حديث عثمان رضي الله عنه متفق عليه وفيه زوائد من حديث من أحاديث أخرى صحيحة ويستحب استعمال السواق قبل الصلاة والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. Donc là il dit dans le 60e point, la meilleure manière de faire l'ouzou du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a fait, le plus complet. Cela est venu dans un hadith rapporté par Othman radiallahu anhu, qui est celui qui regroupe le plus la façon de faire l'ouzou. Certains hadiths sont venus pour ajouter certains détails dans certains points qui ne sont pas cités dans ce hadith. Cependant, ce hadith-là regroupe les piliers de l'ouzou, les choses qui sont obligatoires de faire. Et d'autres hadiths sont venus avec plus de précision, mais aucun ne regroupe tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est pilier, comme ce hadith. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lava ses deux mains trois fois. En premier lieu, il lave ses deux mains trois fois. Puis, il se rinça la bouche. Et comme on a expliqué, remuer l'eau dans la bouche n'est pas obligatoire. Et il fit rentrer de l'eau dans son nez et la fit ressortir. Et il fit ces deux actes-là en une seule poignée, trois fois. C'est-à-dire le fait de mettre l'eau dans sa bouche, de l'aspirer par le nez et de la ressortir se fait en une seule action. Avec la main droite. Et non pas comme beaucoup s'imaginent, qui prennent une puisée d'eau, qui mettent dans la bouche, qui recrachent, en plus, après, ils reprennent une autre puisée d'eau et ils aspirent dans le nez, puis la ressortent. Non, le tout se fait qu'une seule puisée. La bouche et le nez. Et ça, là, trois fois. Pour celui qui fait trois fois, ce qui est sunna, deux fois celui qui fait deux fois, et une fois celui qui le fait qu'une fois. Puis il lava son visage trois fois. Et lava ses deux mains. jusqu'au coude, 3 fois, jusqu'à entamer le bras. Puis il essuya sa tête avec de l'eau autre que celle qui restait dans sa main. C'est-à-dire qu'il a repris de l'eau pour s'essuyer la tête. Et commençant par le devant de sa tête, puis en amenant ses deux mains jusqu'à la nuque. Puis en les faisant revenir de là où il avait commencé, c'est-à-dire un aller et un retour. Puis il lava ses deux pieds 3 fois jusqu'aux chevilles, jusqu'à entamer le mollet. Et cela est affirmé dans le hadith de Othman, radiallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et les ajouts proviennent d'autres hadiths authentiques. Et l'utilisation du siwak est recommandée avant la salat. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je n'avais craint d'être dur envers ma communauté, de leur faire trop subir, je leur aurais ordonné le siwak pour chaque salat, rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc là, on voit qu'utiliser le siwak, même après l'ozo, est une chose qui est recommandée. Et également après l'ozo, il y a une sunna qui est venue importante, c'est le fait de faire la shahada. Comme cela est venu dans le hadith de Omar, radiallahu anhu, qu'a dit, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma minkum yatawadda fa yusbihu al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah athamaniya yadkhul min ayyi shah. Qu'il ait dit, qu'il n'y a pas l'un d'entre vous qui fasse l'wudu, qui le fasse bien, et qui par la suite dise la shahada sans que les 8 portes du paradis ne lui soient ouvertes. Donc ça, c'est parmi les sunan à faire après avoir fait l'wudu, de faire la shahada. Naam. Donc de là, alhamdoulilah, s'achève ce cours d'aujourd'hui dans lequel on a appris comment faire les ablutions. L'ozo, qu'il fallait commencer par la droite, quels sont les membres de l'ozo, et sa façon d'être accompli. Fabi hadal qad naktafi wa nakul alhamdoulilah rabbil alamin.